La nuit de Noël dans tous les pays. D'Alphonse Chabot. Chapitre 1er. La veillée de Noël et les légendes qu'on y raconte. Quelles douces heures que celles des veillées de décembre et quel charme elles ont laissé dans nos souvenirs d'enfance. Alors au foyer brillent les joyeuses flambées pendant que le vent ébranle la maison et que la pluie bat les vitres. Vous voyez d'ici, n'est-ce pas, la salle bien close, la lampe sous son abat-jour, le feu de sarment qui pétille avec un bruit sec, illuminant le plafond à solive. Bébé, heureux et affairé, trottine dans la chambre. Il touche au soufflet, renverse la pelle et regarde avec étonnement et envie son père qui tisonne, tandis que les flammes bleuâtres, longues et minces, lèchent l'écusson de la vieille cheminée aux teintes noires et luisantes. Assis au coin du feu, le grand-père se chauffe tout pensif, tandis que la marmite fait glouglou et que de chaque côté de son lourd couvercle s'échappe un mince filet de vapeur. La maîtresse du logis a quitté sa belle coiffe et pris le bonnet du soir. Debout, la main gauche posée sur la hanche, elle tourne et retourne de sa main droite sa grande cuillère de bois dans le ragoût qui mijote sur le fourneau. Dans un coin de la chambre, grand-mère explique à sa petite-fille les enluminures d'un vieil almanach déjà noirci par les années. La vieille horloge au large balancier de cuivre frappe lourdement ses coups. Telles sont à peu près les veillées d'hiver dans la plupart des campagnes. La veillée de Noël revêt un caractère particulier, surtout dans le midi de la France. Elle comprend le repas maigre, appelé en Provence « gros souper », les divertissements, les légendes. 1. Le repas maigre. Il existe dans notre Auvergne des coutumes qui, pour être moins éclatantes, n'en ont pas moins un charme tout particulier et un sens profondément chrétien. La veille de Noël, la nuit venue, la table est dressée devant le foyer. On la couvre d'une nappe bien blanche et au centre d'une magnifique brioche, on place un chandelier en cuivre soigneusement fourbi. La maîtresse de la maison fouille dans la grande armoire et revient avec une chandelle précieusement enveloppée dans du papier gaufré. La belle chandelle prend place au milieu de la table. Les préparatifs terminés, mon vieux père, quoique malade, veut assister au repas. Il prend de sa main tremblante la chandelle de Noël, l'allume, fait le signe de la croix, puis l'éteint et la passe au frère aîné. Celui-ci, debout et tête nue, l'allume à son tour, ce signe, l'éteint, puis la passe à sa femme. La chandelle passe ainsi de main en main pour que chacun, à son rang d'âge, puisse l'allumer. Elle arrive enfin entre les mains du dernier-né, aidé par sa mère, celui-ci l'allume à son tour, se signe, et sans l'éteindre, la place au milieu de la table où elle brille bien modestement pendant tout le repas. N'est-ce pas là le souvenir touchant de la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde? Ce rite accompli, le repas commence, joyeux, animé, assaisonné par le jeûne de la vigile, agrémenté par l'apparition de la traditionnelle soupe au fromage et par les surprises que ménage la cuisinière. Et quand les grâces sont dites, les enfants vont se coucher, bercés par l'espoir souvent trompé d'aller à la messe de minuit. On roule dans le foyer une grosse souche et on attend minuit en chantant les vieux Noël ou en racontant les histoires d'autrefois. Quand l'heure est venue, quand les habitants des villages arrivent de tous côtés, avec leurs lanternes et leurs torches de paille, on se dirige vers l'église pour goûter les émotions toujours nouvelles de cette bienheureuse nuit. On nous écrit des salses, Lozère. Quelquefois, la ménagère, la mère de famille, n'a pas pu assister à la messe de minuit. Elle a dû préparer le réveillon. Ce repas consiste souvent dans nos montagnes, en lait bouilli et chaud, saucisses fraîches et autres productions de la ferme, sans exclure la rasade de vin pétillant. La chandelle de Noël, conservée précieusement, est allumée au matin du premier jour de l'an, quand les parents et les amis viennent, avant l'aube, offrir leurs vœux empressés. C'est elle encore qui éclaire de ses dernières lueurs les royautés éphémères du jour de l'Épiphanie. Cette gracieuse coutume a été célébrée par un de nos meilleurs poètes. Les chandelles de Noël. Aujourd'hui que l'acétylène, le gaz ou l'électricité ont détrôné sans nul gêne l'antique et fumeuse clarté de la chandelle, peut-on vraiment vous parler d'elle en ce moment? Cependant, elle vit encore et se livre à de beaux exploits quand, de minuit jusqu'à l'aurore, elle rayonne en maints endroits. Venez plutôt dans la Lozère, au début de tout réveillon, une chandelle seule éclaire la familiale collation. L'aïeul, d'une main tremblante, l'allume, se signe et l'éteint. Puis, enfants, serviteurs et servantes, de même font, d'un tour de main, précieusement conservée, dame chandelle, 8 jours après, avec sa mèche ravivée, éclaire encore vœux et souhaits. Et ce n'est qu'à l'épiphanie, à ce joyeux banquet des rois, qu'à l'étoile portant en vie, elle brille et meurt à la fois. Comtesse O'Mahony. En Provence, toute la famille se réunit à table pour le gros souper. Dès 7 heures du soir, les rues de la ville ou du village sont désertes, et par contre, toutes les maisons sont brillamment éclairées. On oublie pour un jour l'économie du luminaire, la modeste lampe à l'huile, Luke Allen, est mise de côté et l'on place sur la table, d'une façon symétrique, les belles chandelles cannelées ornées de festons. La place d'honneur appartient de droit aux plus âgés, grand-père ou quelquefois bisaïeul. Avant de passer à table, on allume dans la cheminée l'énorme bûche de Noël, cachofillot, qui doit brûler une moitié de la nuit. Le plus jeune des enfants de la maison, muni d'un verre de vin, fait 3 libations sur la bûche, tandis que l'aïeul prononce en provençal les paroles solennelles de la bénédiction. Allégré, diou, nous allégré, cachofillot ven, tout ben ven, diou, nous faille ta gracie d'aveire, lanque ven, cession pamaï, sigwen pamen. Réjouissons-nous que Dieu nous donne la joie. Avec la Noël, nous arrivent tous les biens. Que Dieu nous fasse la grâce de voir l'année qui va venir, et si l'an prochain nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. Tandis que la bûche flambe, on s'assied pour le plantureux repas. Le plus jeune enfant, avec une gentille gaucherie, bénit les mets en dessinant de ses mains mignonnes, lentement dirigées par l'aïeul, un grand signe de croix au-dessus de la table. Il semble tout naturel de choisir ce petit être innocent comme le représentant du Christ nouveau-né. Ce repas, comme ces jours d'abstinence, n'est composé que de plats maigres, mais servis à profusion. Poissons frais, poissons salés, légumes, figues sèches, raisins, amandes, noix, poires, oranges, châtaignes, pâtisseries du pays. C'est donc avec raison qu'on donne à ce festin le nom de gros soupa. Les enfants, qui ont obtenu ce soir la permission de tenir compagnie aux vieux parents, regardent toutes ces gourmandises avec des yeux émerveillés. Dans certaines familles, on met de la paille sous la table, en souvenir de la crèche où naquit le Sauveur. Quelquefois, par esprit de charité, on permet ce jour-là aux serviteurs de prendre leur repas à la table du maître. Le gros souper commence parfois tristement, et cela se conçoit. Les convives se comptent, et la mort cruelle fait que bien souvent, il manque quelques parents à l'appel. On cause un moment des absents, on adresse un hommage ému à leur mémoire, on rappelle leurs qualités. Mais la grandeur de la fête, la joie des enfants, mettent bientôt fin à ces tristes souvenirs. Les conversations deviennent plus brillantes, le vin circule, le nougat se dépaisse, et, quand l'appétit est satisfait, les regards se tournent vers la crèche qui représente le grand mystère du jour. C'est devant la crèche qu'après le gros souper se continue la fête de famille. On chante avec entrain les vieux Noël provençaux, souvent plusieurs fois séculaires. Ceux de Saboli et ceux de Doumergue sont les plus populaires. La soirée de famille se prolonge ainsi toute la veillée, alors tout le monde se rend à l'église pour assister à la messe de minuit. Pour les provençaux, la fête la plus traditionnelle, la plus régionale, c'est bien la Noël. Dans cette veillée, dont l'usage se perpétue avec le même esprit familial depuis des centaines d'années, on s'unit plus étroitement aux morts vénérés et aimés. Bien des inimitiés prennent fin dans cette fête à laquelle on n'ose pas manquer et qui établit entre tous les parents une profonde et chrétienne intimité. Rester seul chez soi à l'écart ce jour-là serait regardé comme la marque d'un mauvais naturel et d'un cœur peu chrétien. Dans le Comtat vénécin, l'ordonnance de la collation de Noël est de la plus grande simplicité. Du poisson ou des escargots, suivant les ressources des convives, du céleri, des confitures, des fruits de toutes sortes, verts ou secs. au milieu de la table, un pain ou gâteau de forme élevée et conique, nommé pain calendau ou pain de Noël. Il ne doit pas s'entamer avant le premier jour de janvier. Au-dessus de ce pain, un rameau de houffre long ou vert, bouissé, garni de ses fruits rouges et de ganses faites avec la moelle de jonc. Les chandelles ou bougies qui éclairent le repas doivent être neuves, et leur usage, ainsi que celui de la bûche de Noël, doit se prolonger jusqu'au jour de l'an. Nous ne saurions mieux faire que de laisser Frédéric Mistral lui-même nous raconter la veillée de Noël en Provence. Fidèle aux anciens usages, pour mon père, la grande fête, c'était la veillée de Noël. Ce jour-là, les laboureurs dévalaient de bonne heure. Ma mère leur donnait à chacun, dans une serviette, une belle galette à l'huile, une rouelle de nougat, une jointée de figues sèches, un fromage du troupeau, une salade de céleri et une bouteille de vin cuit. Et qui de ci et qui de là, les serviteurs s'en allaient pour poser la bûche au feu dans leur pays et dans leur maison. Au mât ne demeuraient que les quelques pauvres hères qui n'avaient pas de famille, et parfois des parents, quelques vieux garçons, par exemple, arrivaient à la nuit en disant « Bonne fête, nous venons poser, cousins, la bûche au feu, avec vous autres ». Tous ensemble, nous allions joyeusement chercher la bûche de Noël qui, c'était de tradition, devait être un arbre fruitier. Nous la portions dans le mât, tous à la file, le plus âgé la tenant d'un bout, moi le dernier-né, de l'autre. Trois fois, nous lui faisions faire le tour de la cuisine. Puis, arrivé devant la dalle du foyer, mon père, solennellement, répandait sur la bûche un verre de vin cuit en disant « Allégresse, allégresse, mes beaux enfants, que Dieu nous comble d'allégresse. Avec Noël, tout bien vient. Dieu nous fasse la grâce de voir l'année prochaine. Et, sinon plus nombreux, puissions-nous n'y pas être moins. » Et nous, criant tous « Allégresse, allégresse, allégresse !» On posait l'arbre sur les landiers, et dès que s'élançait le premier jet de flamme, « À la bûche, bout de feu !» disait mon père en se signant. Et tous, nous nous mettions à table. Oh, la sainte tablée, sainte réellement, avec tout alentour la famille complète, pacifique et heureuse. À la place du kaleil, suspendu à un roseau qui, dans le courant de l'année, nous éclairait de son lumignon, ce jour-là, sur la table, trois chandelles brillaient. Et si parfois, la mèche tournant de vers quelqu'un, c'était de mauvais augure. À chaque bout, dans une assiette, verdoyait du blé en herbe qu'on avait mis germer dans l'eau le jour de la Sainte-Barbe. Sur la triple nappe blanche, tour à tour, apparaissaient les plats sacramentels, les escargots qu'avec un long clou chacun tirait de la coquille, la morue frite et le muge aux olives, le cardon, le scolyme, le céleri à la poivrade, suivi d'un tas de friandises réservées pour ce jour-là, comme focaces à l'huile, raisins secs, nougats d'amande, pommes de paradis, puis au-dessus de tout, le grand pain calendal que l'on n'entamait jamais qu'après en avoir donné religieusement un quart au premier pauvre qui passait. La veillée, en attendant la messe de minuit, était longue ce jour-là, et longuement, autour du feu, on y parlait des anciens ancêtres et on louait leurs actions. À Marseille, pour le repas maigre de la veillée de Noël, il faut invariablement un plat d'anguilles, un raïto, sorte de sauce aux poissons, et des légumes. Le dessert se compose de fruits secs, de gâteaux, de confitures, en un mot, de tout ce qu'on nomme à Marseille les calenos. Autrefois, suivant la coutume des anciens seigneurs provençaux, la table demeurait couverte de mets pendant les trois jours de fête. On se contentait de relever la nappe quand le repas était terminé. Pour compléter ce que nous avons déjà dit de la veillée de Noël en Provence, nous citerons la description que nous fait de gros souper Jeanne de Flandrésie dans le Muséum Arlatan. Le musée d'Arles, fondé en 1896, par Frédéric Mistral, est une véritable reconstitution du passé intime, familial de la Provence. L'illustre fondateur y a réuni, dans six grandes salles ouvertes au public, tout ce qui a trait aux mœurs locales et régionales du pays. Dans la première salle, dite salle de Noël, salo calendalo, est représentée la cuisine d'un mât, ferme métairie. Nous y voyons, entourant la grande cheminée, tous les meubles, ustensiles, table, crédence, panetière, huche, armoire, dressoir pour les étains, horloge, chenet, la vaisselle, verrier, lampe, batterie de cuisine, brocs de cuivre, poteries grossières, etc. En un mot, tout le mobilier traditionnel d'une ancienne maison agricole de Provence. En voyant cette pièce, nous sentons parfaitement que nous sommes chez de riches paysans. Les étables doivent être pleines, les mûriers doivent donner des brassées de feuilles pour le réveil des vers à soie, et la vigne doit saigner aux vendanges comme un taureau blessé ensanglante une arène. Sur la table, trois nappes, trois chandelles symbolisent le mystère de la Sainte Trinité. À ses deux extrémités, cette table est garnie des prémices de la moisson sous la forme de blé en herbe et couverte de tous les plats conventionnels. Le pain calendal de Noël portant une incision cruciale, on en réserve un quart pour le premier pauvre qui passe. Le muge, faute de muge, on mange de la morue. Les escargots, le cardon, le céleri et enfin la fougasso, fouasse, galette percée de trous. Nous y voyons encore le sauve christian, grosse bouteille, renfermant des grains de raisin dans l'eau-de-vie, et enfin le baralet, petit tonneau, contenant le vin cuit, ce fameux vin cuit dont les Provençaux boivent une rasade dans leur festin. Nous terminerons par une lettre très intéressante que nous a écrite un confrère de Bretagne. Dans beaucoup de familles, vous le savez comme moi, le réveillon de Noël n'a plus de raison d'être. Bien des gens qui ne vont pas à la messe et qui se vantent de ne plus croire à rien croient encore au réveillon parce que c'est un prétexte à ripaille, mais ils ne se soucient nullement de la naissance de l'enfant Jésus. Eh bien, je crois que, proportion gardée, on pourrait presque en dire autant du repas maigre. Assurément, les Auvergnats et les Provençaux dont vous parlez sont encore des croyants puisqu'ils ont conservé la tradition du repas maigre à la veillée de Noël. Mais pourtant ce repas est trop plantureux et trop varié pour qu'on puisse y voir une mortification. Évidemment, tous ces détails sont pleins d'intérêt et vous avez eu grandement raison de ne pas les négliger, surtout au point de vue du pittoresque local. Mais je le répète, ces repas maigres sont de vrais festins et non des collations de vigile, et à la veillée de Noël, je les trouve tout à fait déplacés. Est-ce bien pour des chrétiens le moment de faire bombance quand l'Évangile nous montre Marie et Joseph cherchant inutilement un gîte et peut-être un morceau de pain? Qu'après la messe de minuit, on se réjouisse, on réveillonne, rien de mieux, parce qu'alors les bergers sont déjà venus apporter des provisions à la crèche et que la Sainte Famille n'a plus à craindre la disette. Mais avant minuit, je vous avoue que cela me choque, d'autant plus que je ne vois dans la soirée aucun acte religieux préparatoire à la fête de Noël. En Bretagne, rien de plus frugal que le repas de la vigile de Noël. À Bignan, par exemple, on fait cuire dans le four de la ferme un petit pain rond pour chaque personne de la famille. Ce petit pain est mangé tout sec, sans beurre et sans autre boisson qu'un verre d'eau. C'est là tout le repas de la vigile. On ne commence à manger qu'après le coucher du soleil, et lorsqu'on a pu compter au moins 9 étoiles en mémoire des 9 mois pendant lesquels la Vierge Marie a porté l'enfant Jésus. Ce maigre repas achevé, on s'assied autour de la bûche traditionnelle et la veillée se passe en prière. À Mohon, où j'ai été 3 ans recteur, avant de partir pour la messe de minuit, on tient à réciter les 1000 Ave. Chacun dit un chapelet à son tour, pendant que les autres répondent. Après 3 ou 4 chapelets récités de la sorte, on se délasse un peu en chantant quelques vieux Noël. Puis on reprend la prière jusqu'à ce que soient achevés les 20 chapelets nécessaires pour faire le total des 1000 Ave. Voilà ce que devrait être, avec des variantes, selon les régions, la veillée de Noël dans toute famille vraiment chrétienne. Ne prendre de nourriture que ce qui est nécessaire pour soutenir le corps, puis le repas achevé, prier en union avec l'ange, en saluant 1000 fois la Vierge qui, dans quelques instants, sera la mère de Dieu, mais qui, pour le moment, erre encore dans les rues de Bethléem à la recherche d'un gîte qui lui sera refusé. Tout à l'heure, au retour de la messe de minuit, la nature reprendra ses droits et on réveillonnera copieusement pour se réjouir de la naissance de Jésus et aussi pour préparer les fatigues de la marche et de la veillée. Mais alors, la Sainte Famille aura reçu la visite des bergers et ne sera plus dans le dénuement. Nous sommes bien de l'avis de notre aimable correspondant. le véritable esprit chrétien de la nuit de Noël doit consister dans la mortification du repas maigre de la vigile et, après la messe de minuit, dans la joie exubérante du réconfortant réveillon auquel prend part la famille tout entière.